Paris, dimanche, 10h du matin. Je me réveille et là, c'est la teuf. En haut de ma tour, tout simplement, je regarde et c'est vachement sympa devant le quartier chinois, là, devant le resto chinois. Il y a, je pense, une quinzaine de dragons en train de danser, de faire parfois des chorégraphies, comme là. Ils sautent de gauche à droite comme des êtres à quatre pattes. Et puis des fois un petit peu n'importe comment. On a eu des pétards, une belle résonance. Paysage sonore du dimanche matin, réveil fort agréable. Paris, bonjour.